Elle est pas prête, même très sérieuse, quand elle dit cela comme si pour elle cela va de soi, c'est sa voiture qu'elle ne prête pas, qu'elle t'a elle, qu'elle dit sans sourire, c'est sa voiture qu'elle ne prête pas, qu'elle t'a elle, et pourtant maintenant son sourire est là, présent sur les lèvres du moment, car elle dit pas maintenant, présent sur les lèvres du moment, et je crois qu'elle est comme ça, et c'est sûr que je la crois, mais pourquoi qu'elle ne veut pas me la prêter, sa voiture qu'est à elle, et garde-la ta voiture minable, j'irai seul sous la pluie sans voyant, sans clignotant, virevoltant dans le brouillard, sans ta voiture et sans ses phares, c'est sa voiture qu'elle ne prête pas, c'est comme ça qu'elle ne prête pas, seulement à toi, qu'est à elle, qu'est à elle. C'est pas comme si elle était belle, même pas décapotable, c'est même pas comme si, même pas métallisée, même plutôt moche, avec ses grains de rouille sur le côté, c'est pas comme si, mais c'est comme ça. Elle me dit c'est ma voiture qui est à moi, que je ne prête pas, et tant pis pour moi, sa voiture qui est à elle, qui est à elle, sur ses anges l'hiver ressent reflet, à l'odeur d'usure de son intérieur, et pourtant pas très clair non plus à l'extérieur. Et pourtant pas très clair non plus à l'extérieur, c'est sa voiture qu'elle ne prête pas, qu'elle dit sans sourire, c'est sa voiture qu'elle prête pas, qu'est à elle, qu'elle prête pas, qu'est à elle. Et pour une fille pourtant bien carrossée, avec des yeux bleus anti-brouillard, c'est elle qui a une voiture, non cotée à l'Argus. C'est elle qui a une voiture, non cotée à l'Argus. Mais c'est sa voiture qu'est à elle, qu'elle ne prête pas, qu'elle ne prête pas. Et c'est comme ça, c'est sa voiture qu'elle ne prête pas, qu'est à elle, qu'est à elle.